On a gratté durant des heures, on a fait des ratures. Deux mois d'écriture jusqu'à s'enchauffer des courbatures. Montre son dans ta gova et clique sur lecture. Appelle-moi Freddy depuis que la mic mon flow te torture. Micro branché, armé dans la tranchée. On te fait kiffer comme ta meuf qui fait un déhanché. On n'est pas comme Jason, on opère sans masque. On n'a pas besoin de faux nous quand on perce le mic. On fait l'effet d'une bombe, nos voix résonnent sur les ondes. On passe 200 un tsunami pour toucher du monde. D'une bombe, nos voix résonnent sur les ondes. Le vague de sang est un tsunami pour toucher du monde. Check ça mon pote. On amorce l'album. Nos punchlines t'as